chanter les musiciens. Derrière moi, à la batterie, au chant, à la percussion, la dorée. Ça, c'est notre chat-top pour les garçons!